son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. La disco deforme, indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente, quiero tenerla junto a mí, cuando la vez se me diga que sí, cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa, mientras yo beso tu boca, voy jugando con tu pelo, mío te vuelves loca, yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura, los dos juntitos por siempre. 7h06 avec le meilleur son latino. Henry Mendez et Charlie Rodriguez, c'est notre invité qui arrive au téléphone depuis Bordeaux. C'est Samariba. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, j'accueille Claude Samariba du collectif Métissé, le Superman, le mec qu'on adore avoir au téléphone le matin, de bonne heure en plus. Bonjour Sama. Salut. Comment il va bien à 7h06 le matin? Oui, il va super bien. Il y a le nouveau morceau qui arrive en radio aujourd'hui, il y a le clip qui arrive demain. Voilà, on a fait un peu de sport pour se mettre dedans et on est prêt à venir voir les auditeurs d'Arc-en-Ciel. Et ben voilà, ils sont nombreux déjà le matin qui vont bosser comme beaucoup de gens en France d'ailleurs. Courage. Eh ouais. Alors toi, ta technique le matin, c'est ça, c'est le sport pour te mettre en pleine forme? Oui, je me lève, je check un peu mes réseaux sociaux et après je fais déjà une première séance d'une heure de sport. Et puis après j'en fais une deuxième plus musculaire un tout petit peu plus tard après avoir géré la petite famille à l'école. Eh ouais. Tu vois, et après ça va être studio toute la journée puisqu'on attaque aujourd'hui le nouvel album pour 2022. Voilà. Ah ben déjà, en tout cas c'est une journée chargée, l'album Danza Latino qui cartonne bien sûr comme beaucoup de personnes se le procurent en ce moment pour faire la fête. C'est l'après-Covid, on va dire, ça fait du bien au moral de faire la fête aussi, Claude. Oui, super. Je pense que les gens ont besoin de faire la fête, sont en manque de fête. Et c'est vrai notre album, c'est vraiment le remède idéal. Et c'est pour ça que d'ailleurs on attaque déjà celui pour l'année prochaine parce que on va lui donner une suite à cet album. Il faut lui donner d'accord. Une suite latino alors. Ah oui, une suite très latino. Très latino. Alors le Caliente Kuduro, il a cartonné tout l'été, tout le monde a dansé là-dessus dans les soirées quand on a pu y aller. Maintenant que les discothèques sont réouvertes, ça y est, dans les discothèques, on le joue aussi, les DJ, un son festif, comme vous savez le faire à l'habitude. Bien sûr, oui, c'est vrai qu'on a eu une belle surprise, même si on l'espérait. Ça a bien cartonné partout Et il continue à bien marcher, puisque je regardais un petit peu les stats ce matin. Ça continue à bien marcher, mais je pense que voilà, c'était le son qu'il fallait pour remettre les gens dans le sens de la marche de la fête, et voilà, et on est content, et c'est pour ça que ça nous encourage à continuer sur cette vague latino, et on est prêt. En tout cas, vous êtes prêts, ça me fait plaisir d'avoir au téléphone. Vida Loca, c'est le nouveau single, le clip arrive demain, c'est ça, Soma? C'est ça, demain matin à 6h, parce que comme je suis matinal, je vais dans le son aussi. Donc on met le clip en ligne demain matin à 6h. Il est frais, il est familial, il donne le sourire. Le clip, c'est la banane. Et le titre aussi, c'est... En fait, on a sorti ce titre-là parce que on a testé, on a eu la chance de faire une belle tournée d'été. Ouais. Et c'est le titre qui vraiment... dans les titres que les gens ne connaissaient pas, on voyait que les gens, ils étaient heureux sur ce titre-là, on a dit c'est celui-là qu'il faut pour la rentrée. Il faut pour la rentrée. Vida Loca, ça veut dire la vie est folle, si on traduit un petit peu. Oui, c'est ça, ben, c'est vrai qu'elle est assez folle, surtout en ce moment. Ouais, c'est clair que la vie est folle en ce moment, ouais. Et nous, ben, on a trouvé le remède, puisque la chanson commence par Allez, viens, on va s'aimer, je crois que c'est bien. Hein. C'est ça, on écoute vite fait, juste le début, ça fait ça à peu près. Hein. Allez, viens. Donc ça dit ce que ça veut dire, hein. Eh oui, tout à fait. On va s'aimer, on va chanter, on va danser avec le collectif métissé, et encore tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. Combien d'années pour le collectif métissé déjà sur scène, ensemble, ce groupe qui dure? On va attaquer la 13e année l'année prochaine avec le 13e album. Voilà, et moi ça devrait porter bonheur. Et ben ça, la 13, ça porte bonheur. Que des titres festifs qui donnent envie de danser, de chanter, de faire la fête. Une tournée aussi cet été, vous avez, malgré tous les problèmes sanitaires qu'il y a eu, pu reprendre aussi les tournées, les concerts. Oui, on n'a pas tourné comme d'habitude, mais on a quand même bien tourné. Ça nous a permis d'abord de respirer, de revivre notre passion, et puis d'aller à la rencontre des gens, et ils en avaient besoin, et c'était cool. Voilà, et c'était cool. On prépare une tournée club pour cet hiver, et puis une très très belle tournée d'été pour l'année prochaine. L'Olympia va revenir? Ben normalement, si tout va bien, 31 octobre 2022. Alors bon, on n'avance pas encore, on avance à pas feutré, puisque il faut que l'Olympia recale tout son planning avec tous les reports qu'ils ont eus. Si tout va bien, ça serait calé sur cette date-là, oui. Bon, à vous procurer d'urgence donc l'album Danza Latino dans les bacs, sur les téléchargements légaux, bien sûr, hein. Et puis le nouveau single, Vida Loca, on va se l'écouter. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, Somariba. Avec plaisir, et à bientôt sur Arc-en-Ciel avec Collectif Métissé. Eh ben, on va l'écouter tout de suite. Merci, Soma. Voici le tout nouveau Collectif Métissé. Écoutez en exclusivité. Vous pouvez l'enregistrer tout de suite. Allez, c'est offert par la maison Arc-en-Ciel. Voici Vida Loca. Dime si tú quieres, porque yo sí quiero gozar, gozar. La vida loca, la vida loca. Dime si tú quieres, porque yo sí quiero gozar, gozar. Que la fiesta, la fiesta, que la luz a pesar, alegría, bonita. esta vida loca, esta vida loca. Vida loca, tú vives su vida. Vida loca, vida loca, yo vivo la vida. Vida loca, vida loca, tú vives su vida. Radio 5, le son du collectif métissé Vida Loca, nouvel album Danza Latino à vous procurer de toute urgence. Merci à Somareba de nous avoir accordé cette interview téléphonique. Voici la belle chaîne.